Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Deuxième partie, chapitre 2. C'était en Bretagne, après la mi-septembre, par une journée déjà fraîche. Go cheminait toute seule sur la lande de Ploubazlanec, dans la direction de Port-Évent. Depuis près d'un mois, les navires islandais étaient rentrés. Moins deux, qui avaient disparu dans ce coup de vent de juin. Mais la Marie ayant tenu bon, Yann et tous ceux du bord étaient au pays, tranquillement. Go se sentait très troublée à l'idée qu'elle se rendait chez ce Yann. Une seule fois, elle l'avait vu depuis le retour d'Islande. C'était quand on était allé tous ensemble conduire le pauvre petit Sylvestre à son départ pour le service. On l'avait accompagné jusqu'à la diligence, lui pleurant un peu, sa vieille grand-mère pleurant beaucoup, et il était parti pour rejoindre le quartier de Brest. Yann, qui était venu aussi pour embrasser son petit ami, avait fait mine de détourner les yeux quand elle l'avait regardé. Et comme il y avait beaucoup de monde autour de cette voiture, d'autres inscrits qui s'en allaient, des parents assemblés pour leur dire adieu, il n'y avait pas eu moyen de se parler. Alors elle avait pris à la fin une grande résolution, et un peu craintive, s'en allait chez les Gauss. Son père avait eu jadis des intérêts communs avec celui d'Yann, de ces affaires compliquées qui entre pêcheurs comme entre paysans n'en finissent plus, et lui redevait une centaine de francs pour la vente d'une barque qui venait de se faire à la part. « Vous devriez, avait-elle dit, me laisser lui porter cet argent, mon père. D'abord, je serai contente de voir Marie Gauss, puis je ne suis jamais allée si loin en Ploubazlanec, et cela m'amuserait de faire cette grande course. » Au fond, elle avait une curiosité anxieuse de cette famille d'Yann, où elle entrerait peut-être un jour, de cette maison, de ce village. Dans une dernière causerie, Sylvestre, avant de partir, lui avait expliqué, à sa manière, la sauvagerie de son ami. « Vois-tu, Go, c'est parce qu'il est comme cela. Il ne veut se marier avec personne, par idée à lui. Il n'aime bien que la mer, et même un jour, par plaisanterie, il nous a dit lui avoir promis le mariage. » Elle lui pardonnait donc ses manières d'être, et retrouvant toujours dans sa mémoire son beau sourire franc de la nuit du bal, elle se reprenait à espérer. Si elle le rencontrait là, au logis, elle ne lui dirait rien, bien sûr. Son intention n'était point de se montrer si osée. Mais lui, la revoyant de près, parlerait peut-être.